mademoiselle, ah, attention. Des fois tu voudrais les... Mais cela, faut pas chercher à comprendre. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Rien, rien, rien. Les petits de mademoiselle, très importants. Des fois tu t'y attends pas et... Pas chercher à comprendre, faut prendre et pas se laisser prendre. Rien, rien, rien. Ces petits animaux-là, c'est pas fait comme nous, ça nous ressemble pas, pourtant c'est fait pour nous. Tout pour nous. C'est doux comme de la soie ou froid comme l'acier, quelquefois c'est en bois, quelquefois en papier, plié comme ça. Petite mademoiselle, ah, attention. Des fois tu voudrais les... Mais faut pas chercher à comprendre. Ce qui est pris n'est plus sans prendre. Rien, rien, rien. Tu es important. Des fois tu t'y attends pas. Et faut pas chercher à comprendre.